Je m'appelle Lienard Brigitte, j'ai eu 60 ans. Je suis lensoise, mais maintenant j'habite à Arnes. Ma mère m'a fait quitter l'école, j'ai trouvé tout de suite du travail chez un concessionnaire d'arrêt fumé. Et ma patronne m'a appelé la reine de la biloute parce que je faisais des maloutins d'arrêt mieux que personne. Des couverts et des queues rouges. On faisait des rom-offs, des macro-fumés, des tippers, des sprats, des bucklings. Mais pas de poisson frais, que du fumé. Le poisson frais, c'était le rom-offs. J'ai travaillé 12 ans à Annay-sur-Lance. La boîte, ça faisait 60 ans qu'elle était ouverte. Et puis, comme les mineurs, il n'y avait plus de mineurs, les gens mangeaient plus de salaison. Alors, la boîte, elle a fermé. Alors, j'étais au chômage un petit peu. Mon frère, il m'a embauché pour faire des frais. Comme on est du Nord-Pas-de-Calais, le plus grand jeu dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le foot. Et comme je m'intéressais beaucoup, quand il y a un match de foot à la télé, je regarde le match de foot à la télé. Et mon frère Norbert, qui travaillait à Sensas, il m'a dit, Brigitte, comme tu aimes bien le foot, tu vas venir faire des frites à Bollard et tu suivras les matchs de foot de Bollard. J'allais voir les matchs tous les samedis. Alors, quand il gagnait, c'était une révolution au stade Bollard. Même quand ils perdaient, ils encourageaient les footballeurs. On a dit que les Lensois, c'était le meilleur public du foot. Et moi, je suis fière d'avoir fait des frites avec mon frère. Ça m'a permis de voir les matchs et j'ai aimé ça. On préparait les pommes de terre, on les coupait avec une machine. Il y avait des friteuses, on les plongeait deux fois. On les mettait dans des cornets ou dans des barquettes. Il y avait toutes sortes de sauces. Il y avait des hamburgers, des saucisses, des merguez. Mais on ne vendait pas d'alcool. Il y avait du Coca-Cola, des boissons de fruits, mais il n'y avait pas d'alcool. Et c'est un grand moment, j'oublierai jamais ce que j'ai fait pour sans friture. On disait à l'élan, c'est nous les supporters les plus chanceux. La Stade Bollard est fier d'avoir une équipe comme eux. À l'élan. C'est pour nous qu'on se bat, à l'élan, soit. Nous sommes fiers d'être lensois, je serai lensois toute ma vie. Fier et honnête avec les lensois. Alors avec mon travail, je préparais des frites et après on avait le temps d'aller voir le match. Après les hommes et les femmes sortis du match et on servait des frites. Mais pendant le match, on regardait le match. Ouais, c'était agréable. Et je suis une grande supporteuse des Lensois. Ah ouais.